Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Bonjour, je suis Laure Grand-Besançon. Vous aimez Oli, le podcast des histoires pour enfants de France Inter? Je vous propose de découvrir un nouveau podcast, Les Odyssées. Un podcast pour partir à l'aventure dans les grandes odyssées de l'histoire. La mission Apollo 11 vers la Lune, la découverte du tombeau de Toutankhamon, le grand voyage de Christophe Colomb ou la véritable histoire du monstre du Loch Ness. 10 épisodes pour les enfants à écouter en famille. Nous vous avons sélectionné 2 épisodes. Bonne écoute à tous!